Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Le journal de Hong Kong Tagongbao et la télévision satellitaire finissent en Hong Kong de Chine et le réseau Chinvel et l'agence de presse japonaise Godon ont fait part de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un de la fabrique de la farine de poisson relevant de l'unité 810 de l'armée populaire de Corée. Les journaux et en pages d'internet russes, chinois, iraniens, cambodgiens, américains, allemands, tchèques, polonais et du Congo démocratique ont informé de son inspection de l'exercice de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Le journal népalais Arfan et les en pages d'internet de l'Association des journalistes du Népal, de l'Association des journalistes népalais d'études des études Jutsé et de la politique de Sungun et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée ont informé de sa visite à l'Institut de l'architecture Paektusan. Le en page d'internet nouvelle des inspections du forum allemand anti-impérialiste et celui de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée ont annoncé son assistance au spectacle donné par les cercles artistiques des femmes de militaires sélectionnées au 6e concours du 2e tour des cercles artistiques des femmes de militaires de l'armée populaire de Corée. Les mass-médias ont présenté les photos du maréchal coréen.